On va entamer la deuxième séance de cette matinée. Il y a eu quelques petites modifications. Notre ami Khaled Abid est arrivé de Tunisie par un transport spécial et il a oublié le décalage horaire. Donc il devait intervenir ce matin en premier. Donc il va intervenir tout de suite en premier. Ensuite interviendront Hervé Fischer et Jean-Pierre Balpe. Et du coup, Khaled Abida, qui devait modérer la séance, ne peut pas la modérer du fait qu'il intervient, donc je modérerai moi-même la séance. Donc Khaled, je te passe la parole. T'es prêt? T'as branché quoi aujourd'hui? J'ai pas trop. Si tu branches, c'est mieux quand tu branches. Alors le problème, c'est qu'il est en veille, le machin. Tu peux. Allez, tout seul. Vas-y. Donc, t'as 20 minutes. Ok, monsieur le président. Je parle bien dans le micro. Donc, est-ce que vous avez la moindre idée que monsieur Xavier Lambert a une pratique graphique? Oui. Est-ce que vous le savez? Oui. Et qu'il appelle ses dessins des dessins automatiques? Moi, je viens de Tunisie aujourd'hui pour débattre avec vous et avec lui cette notion d'automatisme duquel il parlait, pour lui proposer un autre qualificatif qui est celui de je l'ai appelé rhizobotique. Donc c'est des dessins rhizobotiques. Et on va voir ensemble et débattre de cette proposition. Donc bonjour mesdames et messieurs, je vous propose dans ma communication une lecture deleuzienne de l'expérience graphique de Xavier Lambert, chercheur plasticien toulousain, qui a développé une approche systémique entre le graphique et le numérique, débutant souvent par un griffonnage aléatoire en son commencement et rhizomique dans sa propagation sur la blancheur de la feuille. L'artiste-chercheur désigne ainsi sa pratique de dessin comme automatique. En l'occurrence, je viens aujourd'hui de proposer à mon ami artiste la conjugaison du terme rhizomique au terme automatique pour mieux qualifier sa labeur graphique circulant de poche en poche à l'aide d'un stylobille noir et voyageons de pays en pays sur un bord USB. Le problème soulevé ici est à la fois cognitif et critique. Il s'apparente d'abord au domaine de la cognition par les recoupements esthétiques que je cherche personnellement à établir entre cette pratique graphique et le concept deleuzien du rhizome, du pli et du nomadisme. Il est ensuite critique parce que le qualificatif automatique que Xavier utilise souvent pour parler du processus qui engendre ses dessins ne peut pas se suffire à lui-même pour indexer avec précision, et ici j'invite ses propos, pour indexer avec précision l'émergence esthétique des formes sur le papier. D'autant plus la dimension systémique de ces dessins ne se résout pas uniquement au passage d'une identité graphique à une autre numérique, mais surtout dans les déambulations des plis graphiques qui rebondent d'une inflexion à l'autre jusqu'à l'émergence des figures anonymes. Ces figures relèvent des identités graphiques identifiables, c'est des identités graphiques inidentifiables, ces figures relèvent rarement des identités graphiques identifiables autant qu'elles transcrivent souvent des atmosphères bizarroïdes et fantastiques ancrées dans le monde du rêve et du surréel. Je vous montre quelques dessins de Xavier. Et il appelle ses dessins automatiques. Automatique. Donc, automatique et ou rhizomique sont-ils les dessins de Xavier Lambert? Il est vrai que le concept de l'automatisme, dans l'écriture ou dans les dessins, s'apparente au jargon surréaliste et fut évoqué en 1924 dans le manifeste surréaliste d'André Breton. Néanmoins, la démarche processuelle suivie par Xavier Lambert pour asseoir ses figures de l'anonymat et transcrire par leur biais une atmosphère fantasmagorique sur le blanc de la feuille est assez différente de celle adoptée par les précurseurs du surréalisme. Ce qui m'a donné l'idée de conjuguer le qualificatif rhizomique à celui d'automatique pour enfanter un nouveau néologisme baptisé ici sous le nom de rhizomotique. Donc les dessins de Xavier Lambert sont des dessins rhizomotiques. Les dessins de mon ami artiste sont donc rhizomotiques, vu leur genèse automatique d'une part, et leur mode rhizomique de propagation spatiale d'autre part. Les lignes erratiques, serpentines, éparses ou mêlées, incertaines par endroits et confirmées par d'autres endroits sur les feuilles blanches de Xavier, s'inscrivent facilement dans la même lignée d'automatisme graphique d'Henri Michaud, d'André Masson ou tout en gay. Cependant, le traitement qui suit leur inscription instantanée et immédiate sur le support blanc est différent chez l'artiste toulousain, car il contrôle le flux énergétique de ses premiers tracés graphiques et ne se livre pas totalement au travail de l'inconscient. Ainsi, les jets linéaires premiers de Xavier Lambert évoluent selon une gradation rhizomique, sans qu'ils soient structurels. Mais qui signifie d'abord le mot rhizome? Je ne veux pas m'étaler trop. Le terme rhizome est d'abord emprunté à la botanique. Il allie une arborescence complexe manifeste dans le monde de croissance végétale, qu'il soit aérien ou souterrain. À la différence de la racine, le rhizome ne peut s'appréhender comme une entité unitaire obéissant à une logique d'arborescence. Dans ses multiples ramifications, il se présente plutôt comme une tige souterraine garnie de racines inventives et inextricablement chevauchées. Cette logique de germination naturelle n'a pas de centre. Elle peut aller dans tous les sens et prendre une direction totalement inopinée. Ce qui nous ramène à comprendre que le rhizome suit une logique de croissance aléatoire et progresse d'une manière chaotique, car il n'a ni début, ni fin prédéterminée. Chaque ramification peut participer potentiellement à l'évolution de l'ensemble de l'organisme botanique. Par ailleurs, ce schéma de croissance naturelle a été élevé au rang d'un paradigme cognitif dans la pensée philosophique de Gilles Deleuze et Félix Guattari, notamment dans leur ouvrage commun « Mille plateaux ». Il rallie les multiples embranchements complexes de la pensée à des processus de cognition simplifiés par le biais desquels Les deux penseurs ont anéanti les stratifications subsidiaires de l'épistémée transcendantale, qui est essentiellement hiérarchisée. En l'occurrence, l'horizon, conçu comme l'une des épreuves créatives des concepts philosophiques chez Hildeleuze, est doté d'une redoutable complexité. Il est d'abord linéaire et c'est réel, vu qu'il se constitue de poche en poche et qu'il peut toujours perdre ou gagner un ou plusieurs éléments. Il est, de ce point de vue, non structurel, autant qu'il possède une souplesse et une mobilité lui permettant d'assurer des transformations permanentes. La notion d'automatisme que mon ami a choisi pour qualifier ses dessins désigne plutôt le moment... Bon, j'ai terminé avec la définition de l'horizon. Je reviens à Xavier maintenant. Donc, la notion d'automatisme que mon ami a choisi pour qualifier ses dessins désigne plutôt le moment du commencement de son processus graphique que le mode de son évolution linéaire. Et entre le commencement et la fin, il y a un système qui travaille silencieusement et que j'associe volontairement au travail du rhizome. Et c'est justement le chaînon manquant entre les traits du jet premier et le dessin élaboré qui m'a poussé à qualifier le travail de Xavier comme rhizomotique. En outre, l'invention d'un pareil néologisme critique peut s'approuver davantage sur l'ample territoire des sciences cognitives qui entrecroisent dans notre cas d'étude la psychologie à la philosophie de la cognition. Toutes les deux s'agencent suivant une approche systémique, faisant du dessin noir sur blanc leur propre terrain d'emprunt. D'ailleurs, le retour sur l'origine étymologique du mot systémique, systema du grec ancien, signifie l'ensemble organisé. Cette définition nous ramène d'emblée à examiner le processus graphique qui agence et ordonne les plis de l'ombre en les proliférant dans toutes les directions. Pareil examen processuel s'avère inéluctable pour toute approche critique voulant aborder ces dessins comme un système poétique autonome. L'autorégularisation de ce système graphique est rhizomique parce qu'elle pousse du milieu d'un processus et adopte une logique évolutive de l'herbe plutôt que de l'arbre. C'est-à-dire, pas une logique hiérarchisée. Les plis qui abondent en suffisance sur le support blanc sont dépourvus de centre et progressent dans toutes les directions en même temps. Ainsi, les plis graphiques de l'artiste se multiplient selon les codes génétiques internes relatifs à une endogenèse anachronique qui n'obéit à aucune évolution processuelle et hiérarchisée. Le concept de rhizomotique me permettra ainsi de mieux appréhender l'autopoïèse qui aménage le dessin de Xavier et qui est doté aussi d'une dimension nomade. Et maintenant, on va aborder la dimension nomade de ces dessins rhizomotique. Donc, le nomadisme graphique de Xavier Lambert entre la matérialité de la trace et l'immatérialité de sa diffusion. Le nomadisme est un principe de mobilité qui peut intervenir à différents niveaux du processus créateur. Il affecte l'artiste au moment de la réalisation de son œuvre, comme il peut intervenir sur le public ou encore sur les dispositifs de création ou de diffusion du travail artistique. Il ne désignait pas seulement un mode de mobilité physique, car selon la lecture que Deleuze fait de Nietzsche, il est une forme de pensée qui suit une ligne de fuite, qui ne se laisse pas prendre dans les mailles des forces institutionnelles. Fin de la citation. Le concept de nomadisme a été abordé aussi dans le livre Mille Plateaux, dans la partie intitulée Traité de nomadologie, la machine de guerre. Il désigne d'abord une catégorie de pensée rebelle aux stéréotypes de la pensée occidentale institutionnalisée. Michel Foucault, qui a fait l'introduction de l'anti-Oedipe, écrit À ce propos, il dit affranchissez-vous des vieilles catégories du négatif, la loi, la limite, la castration, le manque, la lacune, que la pensée occidentale a si longtemps sacralisée comme forme de pouvoir et mode d'accès à la réalité. Préférez ce qui est positif et multiple. La différence à l'informe, à l'uniforme, le flux aux unités, les agencements mobiles au système. Considérez que ce qui est productif n'est pas sédentaire, mais nomade. À la lumière de ces conseils Foucauldiens, à la lumière de ces conseils Foucauldiens, on peut comprendre qu'une pensée nomade est à prime abord une sphère conceptuelle traversée de lignes de fuite et de multiplicité. Elle détermine un espace ouvert à l'errance et à l'immanence. Sa spatialité va à l'encontre des espaces triés, fermés sur eux-mêmes et divisés en parcelles. Ce genre d'espace est plutôt sédentaire et apte à se diviser. Il obéit au mode de la transcendance parce que les données qu'il véhicule sont ordonnées d'une manière hiérarchisée et respectent un plan de transcendance. Par contre, dans un mode nomade, la pensée circule. Elle suit des lignes de fuite et elle est dans tout et partout. On peut parler, dans ce cas, d'une pensée aléatoire intuitive libérée des espaces clos de la transcendance. Mais comment notre artiste Lozin s'est approprié poétiquement et esthétiquement de cette pensée nomade? Dans le domaine de l'art, le concept de nomadisme désigne une pensée en acte. Il se traduit dans des postures, dans des principes de mise en œuvre et dans des formes de mobilité artistique contemporaine. Dans notre cas d'étude, le déploiement nomade opère à la fois sur les plans poétiques et esthétiques. Le passage de l'un à l'autre, ou plus exactement d'une instance d'immanence à une autre de résurgence, passe par la dématérialisation de la trace graphique physique chez Xavier Lambert, en la transvasant dans une imagerie numérique scannée à haute résolution. Mais arrêtons-nous d'abord au niveau du déploiement de la pensée nomade au sein du dessin matériel lui-même, c'est-à-dire au moment de sa réalisation et des circonstances qui l'environnent. Elles peuvent nous renseigner un peu ou prou sur les lignes de fuite qui se dressent lors de l'élaboration des dessins que j'ai appelés rhizomatiques de Xavier Lambert. Et là, je me suis étonné aujourd'hui, je n'ai pas envie de dessiner, parce que d'habitude je dessine, je les connais. Donc je vais vous raconter une anecdote. La première fois où j'ai rencontré l'artiste chercheur était en 2009, dans un colloque à Gabès. Il était présent pour donner une conférence tout en étant armé par un stylo bille et une feuille blanche. J'ai dû croire au départ que ce genre d'armure est nécessaire à tout conférencier pour prendre des notes et souscrire ses interrogations et ses remarques. En donnant ma communication, l'une de mes premières connexions après la soutenance de ma thèse, une angoisse me prend à remarquer le professeur français en train de prendre des notes successives sans relâche et sans lever sa tête du papier. Je me suis dit que le monsieur va me massacrer pendant la discussion. Pourtant, la séance et le débat sont soulevés sans que Xavier Lambert m'adresse un seul mot. À ma grande surprise, j'ai découvert en déjeunant qu'il s'est mis à dessiner pour mieux m'écouter. Je m'arrête ici pour souligner une première lignée de fuite, circonstancielle en premier lieu, et qui constitue la condition sine qua non du déclenchement de l'activité graphique chez l'artiste. En déterritorialisant le contexte circonstanciel dans lequel il se trouve corporellement par le biais de quelques griffonnages informes, Lambert, le chercheur, s'approprie par ses gribouillis des propos de l'autre, de leur tonalité, de leur syncope, de leur déambulation sonore, même s'ils sont prononcés dans une langue étrangère à l'artiste. Même s'ils sont étrangères à l'artiste. Je reste sur l'ordinateur. Et donc, il ne dessine pas pour l'amour du gribouillage en soi, mais il dessine surtout pour écouter l'autre et s'imprégner de sa pensée. Et c'est la raison pour laquelle Xavier Lambert a choisi le qualificatif autonome à son travail graphique, en associant peut-être son activité graphique au gribouillis qu'on laisse derrière nous en répondant ou en parlant au téléphone. Cependant, les lignes de fuite de nature graphique qui se dressent lors d'une communication téléphonique ne sont pas aussi élaborées que les dessins rhizomatiques de mon ami. Le travail anti-académique de l'inhérence au support et de la contingence aux sonorités du lieu et de ses vibrations leur attribue une plus-value sensorielle et matricielle de nature esthétique. Lors des colloques, par exemple, les lignes deviennent de plus en plus éparses d'un auditeur à l'autre et se répartissent de pli en pli sur la blancheur de la feuille. Et à chaque inflexion, la forme émergente prend une teneur variable suivant le dégradé des valeurs et les brèches de lumière et d'obscurité que Xavier ajoute. Ces lignes de fuite qui s'élaborent entre le graphique et le sonore me permettent, sur le plan critique, d'assigner une première dimension nomade au travail graphique de l'artiste tolosain. Une seconde ligne de fuite, de nature esthétique cette fois-ci, opère au niveau du dispositif de la projection et de la diffusion de ses dessins. Et je vais me référer ici aux propos de l'artiste, tels qu'ils étaient évoqués dans la présentation de son travail agrandi et exposé au Basilique du Kef en Tunisie lors de la deuxième session du Festival international de l'art de la jeunesse et de la cité. Et le texte figure ici dans le catalogue regroupant les expositions de la deuxième session. Ici, je vais lire quelques extraits du texte de Xavier. Il dit les dessins. Bon, il parle de lui-même, mais. Les dessins de Xavier Lambert ont été réalisés en un premier temps à l'encre noire avec un stylo bille sur des feuilles de papier blanc sans intention initiale, sorte de griffonnage automatique. Ils ont par la suite été numérisés à très haute résolution sans que leur destination ne soit nécessairement déterminée et nettoyée de toutes les traces que laisse inévitablement le grain du papier à de telles résolutions. C'est donc d'un dessin véritablement dématérialisé qu'il s'agit. Dématérialisé par l'élimination logicielle des traces de la matière papier et dématérialisé complètement car ce qui reste en fin de compte à ce stade du processus n'est qu'un fichier virtuel, sorte de matrice stockée en mémoire pour être indifféremment utilisée par la suite. Je continue. Mais au même titre que toute œuvre d'art, cette matrice et surtout son actualisation sur un support n'est que la peau de l'œuvre. Elle est, car elle ne constitue que la partie visible du processus qui lui a permis d'émerger. Mais ce qui semble intéresser l'artiste dans ce processus n'est pas tant la dimension graphique comme telle que l'émergence esthétique des formes. Donc ce procédé a permis de l'artiste, une certaine mobilité qui lui permet d'exposer son œuvre et là où il veut, en l'agrandissant. Par exemple ici, c'est, je donne des ex, un exemple des, de l'une des expositions de ces dessins automatiques réalisés en 2015 à la basilique du Kef lors de la deuxième session de notre festival. Donc on a agrandi, les dessins sont scannés à haute résolution, donc on peut les agrandir à la dimension qu'on veut, et ils sont agrandis et accrochés à la basilique du Kef, qui est un lieu historique. Là, le contemporain et l'antique dialogue dans ce espace. On a ensuite accroché ces dessins dans mon école, à l'Institut supérieur des arts et métiers de Siliana. Donc, il y a une interaction entre le dessin et l'espace, hein, qui change de lecture certainement. Ici, Xavier, j'ai trouvé ça aussi dans le site de Xavier. Il m'a dit qu'ils ont exposé ça dans un espace d'art à... Où, Xavier ? Au Villard. Au Villard. Donc, c'est la deuxième ligne de fuite de nature nomade qui permet de qualifier les dessins de Xavier Lambert par rhizomotique. Et je vous remercie. Merci Khaled, j'aurais pas dû être présent à la tribune, mais bon. Je vais passer la parole maintenant à Hervé Fischer. Je te débranche, Khaled. N'y vois pas d'attaque personnelle. Parce que ton curseur il est sur votre écran. Il est sur votre écran. On va faire. Ah, il est là, oui, d'accord. Il faut mettre ton moniteur au métier. Normalement, si tu cliques là, il va s'afficher sur votre écran. Non, mais je ne veux pas cliquer là, il se passe. Ah oui, les micros. Oui. Très déplaisant de. Oui, bon, une petite rencontre qu'on va faire ensemble. Je l'ai fait avec. En remerciant Xavier pour l'invitation et avec la liberté de parler librement. C'est-à-dire que j'ai de compte à rendre à personne, à aucune université. J'ai pas d'obligation d'accomplissement. Et je me promène un peu comme un électron libre dans l'informatique. Et j'ai en revanche essayé de tenir compte, c'est correct pour le son ? Bon. De tenir compte très précisément du thème du colloque. Et ça me convient bien parce que depuis le début de mon travail, il y a quand même pas mal d'années, au début des années 70, j'étais parti... de la sociologie, j'enseignais la sociologie de l'art et de la communication à Paris 5, Et il m'avait semblé intéressant d'appliquer ce que j'apprenais de la sociologie ou ce que j'enseignais de la sociologie dans mon propre travail d'artiste et donc de faire un art sociologique. Donc on est effectivement dans l'émotion de l'art et dans la cognition de la science humaine dite sociologique. Et rapidement, naturellement, j'ai pris un petit peu de liberté par rapport à cela. Et entre autres, j'ai fait une pharmacie pour tous les problèmes de la vie. J'ai fait beaucoup d'entretiens dans toutes sortes de pays avec toutes sortes de monde sur leur rapport à la société, l'image qu'ils ont de la société, l'image qu'ils ont de leur rapport à la société. Et ça m'a amené à prescrire beaucoup de pilules. J'en ai pris pour moi aussi. Et je travaille aussi beaucoup avec ma formation de philosophe. Pour moi, il n'y a pas de différence, mais il y a une complémentarité. Il n'y a pas d'opposition aristotélicienne, mais il y a une complémentarité entre les deux hémisphères. Et je pense que c'est difficile d'être un artiste sans être un penseur, et c'est possible d'être un penseur et être un artiste. Même si les institutions sociales ne le reconnaissent pas comme tel jusqu'à récemment. Et de plus en plus, mon travail de sociologique est devenu philosophique. Cela dit, il a commencé d'une façon très, très, comment je pourrais dire ça, apparemment très radical, en détruisant tout ce que j'avais fait comme artiste précédemment, et puis ensuite en proposant à tous les artistes que je connaissais, 400, un peu plus, de m'envoyer une œuvre de leur production, je vais demander ça à Xavier aussi tout à l'heure, pour que je puisse la détruire ou qu'ils me l'envoient déchirée, détruite, et que je puisse les présenter dans des petits sachets hygiéniques. Et j'ai appelé ça l'hygiène de l'art, c'est une sorte de table rase que je voulais faire pour faire mon propre chemin. Alors cette image-là, c'est le premier mur de mon exposition cet été au Centre Pompidou. Je partais de là. Mais au-delà de cette liberté que j'ai prise et de la sociologie et de la philosophie, je suis arrivé de plus en plus à travailler sur la notion de l'imaginaire social, et donc développer ce que j'appelle la mythanalyse, c'est l'analyse des imaginaires collectifs actuels. J'insiste beaucoup sur l'actualité, je ne suis pas un spécialiste de la mythologie. Pour moi, ce qui est important, c'est de déchiffrer au-delà des rationalités sociales ou institutionnelles ou construites par la sociologie, de repérer, de déchiffrer l'irrationnel de la société dans les mythes actuels comme le progrès, Dieu, c'est encore un mythe qui fonctionne, ou bien le développement ou l'économie ou l'Europe, toutes sortes de mythes qui sont très contemporains et qui déterminent nos valeurs, nos structures sociales, nos votes dans les élections, etc. Alors vous voyez ici une image sur l'idée de Kunstmythos, Kunst c'est l'art en allemand, ça c'était la Documenta. Donc j'ai beaucoup travaillé dans l'institution artistique, mais aussi beaucoup à l'extérieur, sur ces problématiques-là. Et parce qu'au fond, de travaillant de plus en plus sur le numérique, je me suis bien rendu compte, comme chacun de vous, que le numérique est un outil, mais un outil qui est comme un psychotrope, qui déclenche un imaginaire incroyablement large, parce qu'il n'y a pas la résistance du réel. Donc, dans le numérique, on peut se prendre pour un autre, on peut rêver. On voit beaucoup de rêveries. Je disais ce matin, c'est à vous que je disais ça, que ce colloque était un colloque sur la rêverie, donc l'imaginaire du numérique. On voit des intervenants fascinés par le numérique, comme moi, mais qui s'y promènent de diverses manières, qui évoquent la catastrophe ou qui évoquent le remplacement de la nature par le numérique, ou qui évoque éventuellement notre destin dans ce monde numérique. Alors, J'ai commencé par me poser la question sociologique sur l'art. Art, qu'avez-vous à déclarer? Avez-vous quelque chose à déclarer? Ça, c'était des panneaux que j'avais mis en 60, début des années 70 dans le quartier des Galeries d'Art à Paris. J'avais collé un papier comme ça sur tous les panneaux ronds de signalisation, interdiction de ceci ou de cela. Et dans mon exposition au Centre Pompidou, ce panneau qui pose une question fondamentale au niveau de la cognition, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer sur l'art? Alors, on a toujours quelque chose à dire sur l'art, ou bien on n'y comprend rien. Souvent, ce qu'on en dit est non pertinent, parce que c'est une certaine manière, sociologiquement, c'est un panneau de douane culturelle. Surtout dans les années 70, qui était le grand paroxysme de l'avant-gardisme, il y avait des initiés dans les galeries des Happy Few qui savaient très bien ce que faisait tel ou tel artiste, et puis la majorité des gens qui se sont désintéressés parce qu'ils n'étaient pas initiés, ils n'avaient rien à déclarer. Bon. Et ça, c'est important de le mettre à l'entrée de toute exposition d'art ou à l'entrée du Centre Pompidou, comme j'ai fait cet été, parce que c'est la question d'entrer, de franchir cette douane culturelle. Oui, on a une culture qui permet de comprendre l'art actuel, où on n'a pas cette culture, où on ne veut pas l'avoir. Alors, ça a été reproduit sur la pizza du Centre Pompidou. C'est grand, c'est 12 mètres de diamètre. Et là, se sont produites toutes sortes de choses. Des gens qui faisaient du yoga sur le point d'interrogation, des gens qui couraient autour, des gens qui se couchaient sur chaque lettre ou qui pique-niquaient. Et c'est tout extraordinaire tout ce qui a pu se passer sur ce panneau pendant les 3 mois de l'été. D'ailleurs, le panneau est toujours là après l'exposition. Il a été maintenu. C'est absolument incroyable les réactions des gens par rapport à cette question de l'art. Personne ne passait indifféremment. Ici, c'est un cas d'un groupe qui ont reconstitué le déjeuner sur l'herbe de Manet sur mon panneau. Une sorte de surprise. J'ai fait des petites vidéos et ce panneau est devenu viral sur les mass médias. La question, vraiment, a pris toute son ampleur. Et moi-même, dans mon travail, je plonge dans mon travail au-delà de... Je travaille beaucoup sur le numérique au niveau de ces structures et de ces icônes. Et par exemple, il est clair que les codes-barres sont omniprésents. Il y a plus de codes-barres aujourd'hui, les anciens bandes verticales ou les nouveaux QR. En une seconde, il y en a plus sur la planète qu'il y a eu de crucifix en 2000 ans. Et le crucifix, je sais si ça a été un thème important. Mais le code-barre, il apparaît comme une chose ordinaire, il est sur les paquets de spaghettis ou sur n'importe quel objet qu'on achète, aussi sur le dossier d'hôpital quand vous y allez. Mais donc, il fallait vraiment mettre en évidence cette notion de code-barre emblématique de l'époque du numérique. Et là, moi j'ai fait, j'essaie de m'amuser un peu. Donc j'ai repris le thème de la Vierge à l'enfant. Naturellement avec la Vierge avec des couleurs virginales et l'enfant avec la lumière divine, ou bien j'ai évoqué la notion de prison parce que le code-barre est un outil de contrôle, de gestion et de contrôle. Donc j'ai repris ce tableau de Verlaine en prison parallèlement, parce qu'au fond on traite les mêmes questions d'époque en époque dans la peinture de différentes manières, et là encore c'est important du point de vue de la cognition. Pour moi, c'est clair que c'est un outil de connaissance et de transformation, l'art. J'ai repris, par exemple, le thème de la montagne Sainte-Victoire de Cézanne. Bon, on n'est plus à l'époque du cubisme. À l'époque du cubisme, les peintures de la montagne Sainte-Victoire, ou les pommes concaves ou convexes, comme disait Dali, de Cézanne, c'était une tentative de construction de la perception de l'espace, comme la perspective euclidienne l'a été à la Renaissance. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde géométrique ou cubiste, nous sommes dans un monde de la quantité, de la variation, du diagramme de variation quantitative. Nous sommes dans une autre matrice de pensée, et donc de comportement, de construction de l'image du monde, et de construction de notre pensée et de nos valeurs. Alors c'est ça que l'art peut explorer, en essayant d'actualiser les mythes ou les matrices sur lesquelles nous travaillons actuellement. Ici, sur cette base de... Ça, c'est des peintures acryliques. Hein. Ici, sur cette base de deux courbes de variation quantitative dans je ne sais plus quel journal financier, j'ai repris, j'appelle ce tableau la métamorphose d'Euclide, j'ai repris le thème de la croix, qui est le thème de la croix du chrétien, mais qui est aussi la géométrie sur laquelle on a bâti le monde depuis la Renaissance, et pour l'opposer à la matrice actuelle, qui est la ligne brisée quantitative, de variation quantitative. Nous ne sommes plus dans le monde géométrique, nous sommes dans le monde de la variation quantitative. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Ou bien, j'ai repris le thème de la nature morte, d'une nature morte cubiste à la nature morte actuelle, où je remplace les citrons, le couteau et la nappe par les codes-barres de ces objets, et que j'accumule. Ça, c'est un tableau d'une autre sorte, mais vraiment pour moi très important. C'est l'évolution telle que j'ai voulu la schématiser, l'évolution de notre destinée humaine. Si on part de la gauche du tableau, disons, du néolithique, il y a 10 000 ans, jusqu'à l'époque actuelle qui est marquée par l'axe jaune, on voit bien que la variation de la sagesse humaine, qui est la ligne du bas, depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à Trump, n'a pas beaucoup évolué. Le progrès n'est pas évident. Il y a même éventuellement quelques regrets, dirait Edgar Morin. Si je prends maintenant le thème du choc démographique, il est clair que, même sans remonter si loin que néolithique, disons au début du XXe siècle, on était 2,5 milliards d'habitants sur la planète, plus ou moins. Aujourd'hui, on est rendu à 7,5 et on s'en va pour long vers 9, disent les démographes. Cependant, le choc démographique, nous allons le contrôler, d'après les spécialistes, grâce au planning familial et différents facteurs. Et donc, on le contrôle et ça va se rééquilibrer un peu. Si maintenant je prends la troisième ligne, la ligne rouge, c'est celle de la puissance instrumentale que nous avons dans nos mains. Depuis l'homme de Néandertal ou de Cro-Magnon jusqu'au XXe siècle, il n'y a pas eu une grande évolution. À partir du XXe siècle, on a eu la vapeur, l'électricité, puis le nucléaire et maintenant toute la puissance que nous donne le numérique. La ligne d'évolution de la puissance instrumentale qui est dans nos mains est en train de sortir du cadre. Et le problème qui se pose, tel que c'est ce que je pense, c'est le gap, l'écart qui se creuse entre notre niveau de sagesse humaine, la ligne du bas, et puis la ligne du haut, qui est le pouvoir qui est dans nos mains. Normalement, on s'en va à la catastrophe. Alors, pour qu'on s'en aille pas à la catastrophe, la question se pose. Est-ce qu'on va encadrer, limiter le pouvoir instrumental, numérique, ou bien est-ce que notre cerveau va muter pour être capable d'encadrer, c'est-à-dire pour réduire le gap? La question reste grande ouverte. Un autre petit exemple, le ciel. Les ciels de Tiepolo, les nombreux ciels qui ont été peints dans la peinture hollandaise, etc., vous les connaissez, j'en reprends ici. Et aujourd'hui, le ciel n'est plus religieux, il n'est plus mythologique. Le ciel, aujourd'hui, est un espace de compétition économique entre des compagnies de fabrication d'avions. Alors, j'ai mis les variations boursières de Boeing et d'Airbus sur une dizaine d'années. Et le ciel d'aujourd'hui, c'est un espace qui n'a plus rien de Lamartine. C'est vraiment, la nature a beaucoup changé, le ciel a beaucoup changé. C'est vraiment aussi bien quand vous achetez votre billet d'avion, vous comparez les prix et les compagnies aériennes. Et tout le monde a conquis cet espace du ciel pour un champ de bataille économique et de compétition. Si je compare les paysages, là encore la nature a beaucoup changé. À gauche, j'ai un tableau de Holder, le peintre suisse, j'aurais pu en prendre tant d'autres. À droite, c'est ce que j'appelle un paysage financier, c'est-à-dire les variations économiques de différentes compagnies à Wall Street, au Nasdaq, ou dans une des bourses à Shanghai ou autre, je ne me rappelle plus laquelle c'est celle-là. Mais nous sommes maintenant dans des paysages financiers. Et les paysages à la Holding ou les paysages impressionnistes, maintenant c'est très bon pour les cartes postales et les couvercles de boîtes de fruits confits, mais ça n'est plus la nature dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans la nature à droite, la nature financière, c'est d'elle que nous dépendons. Si je prends un autre thème encore, je crois que c'est le dernier dans la série, là. À droite, c'est une variation boursière d'une compagnie, très précisément côté Amsterdam, à la date que j'ai indiquée, que j'ai reprise dans un journal. Bon, mais ça devient comme une sorte de religion, l'argent. Et ça prend des formes selon que ça monte au ciel ou que ça descend aux enfers, ça prend des formes par lesquelles je veux dire iconiquement que nous sommes maintenant non plus dans un cosmos religieux, mais dans un cosmos quantitatif et plus précisément économique et financier. Ou la liberté sur les barricades, maintenant je pense, parce qu'il y a urgence de la liberté toujours, bon, maintenant je prends un code QR, que je traficote. Si vous scannez le code QR à droite, bah, qui est un peu déformé par la projection, mais qui est carré, bon, vous scannez le mot liberté. Et toujours pour être dans l'analyse des imaginaires dans lesquels on est et que j'aborde moi avec mon travail d'artiste, ici j'appelle ce tableau, c'est un grand tableau, je l'appelle Sisyphe escaladant la tour de Babel. Et il est clair que Sisyphe, pour moi, c'est une image mythique fondamentale du monde actuel. Parce que Sisyphe croit au progrès, comme moi. Je ne suis pas un intellectuel parisien qui refuse de croire au progrès. Je suis un homme d'Amérique du Nord qui croit au progrès. Et croire au progrès, c'est, malgré toutes les catastrophes quotidiennes, remettre sur ses épaules chaque matin le mal du monde et tenter à nouveau de s'élever. Et il s'élève sur la tour de Babel. La tour de Babel a été interprétée, c'est un mythe, a été interprétée pendant 2000 ans, c'est ce qu'on m'a enseigné au catéchisme, comme un effet de l'arrogance de l'humanité qui voulait s'élever vers Dieu et faire la compétition avec Dieu qui a mal pris ça. Et pour arrêter cette arrogance, Dieu, comme vous savez, a mis fin à la langue adamique, universelle. Tout le monde parlait comme Adam et Ève à l'époque. Et donc, il a créé la diversité linguistique. Et les gens ne se comprenant plus, étant parlant tous des langues différentes, bon, ils ont arrêté ce projet, on va dire, de quête du pouvoir en allant vers Dieu. Et aujourd'hui, la tour de Babel, qu'on a toujours interprétée négativement, moi, je l'interprète comme un mythe extrêmement actuel qui est le mythe de la diversité culturelle et linguistique. Et moi, comme Québécois, je crois fondamentalement à l'importance de la diversité culturelle et linguistique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va accepter de renoncer. Il faut que cette différence du français en Amérique du Nord ou du catalan en Espagne demeure, soit soutenue, parce que ça ne nous donnerait rien de supprimer le français en Amérique du Nord et qu'on soit 380 millions d'anglophones. Ça ne donnerait rien. Et donc ces mythes-là, il y en a qui meurent des mythes, il y en a qu'il faut actualiser, mais il y en a qu'il faut réécrire autrement, qu'il faut réinventer. Alors, c'est une question que je pose avec un code-barre. Dans quelle société voulons-nous vivre? Pour moi, je prends le code-barre QR parce que nous sommes toujours à la veille d'une catastrophe, d'une crise, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit militaire, qu'elle soit nucléaire même. Et donc, ce symbole QR, le code QR, il est absolument emblématique du temps social accéléré et dramatique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est une peinture acrylique aussi, si vous le scannez, vous verrez que l'urgence de la pensée, c'est ce que ça dit. Ou bien conscience augmentée. Là, c'est un concept sur lequel je m'arrête une seconde. J'ai pas besoin ici de souligner l'importance de la réalité augmentée. Elle est d'une utilité évidente, c'est un outil et un marché essentiel. Mais alors que hier Chatonsky parlait de l'imagination artificielle et proposait ce concept, moi je propose le concept non pas de réalité augmentée mais de conscience augmentée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui, depuis le bip-bip du Sputnik d'il y a 60 ans, est devenu un monde planétaire. Nous ne pouvons plus chacun penser selon nos petits problèmes locaux et nous avons une conscience constante, planétaire, de tout ce qui se passe dans le monde et en temps réel. Ça, c'est une transformation anthropologique. Ça n'a pas existé avant. Avant, chacun était dans son village, dans sa vallée suisse. Aujourd'hui, à chaque instant, en temps réel, j'ai des images, j'ai des informations grâce à la technologie numérique de tout ce qui se passe dans le monde. Et ça a un effet majeur sur moi individuellement, mais collectivement aussi, sur nous tous. Parce que quand il y a une catastrophe naturelle quelque part, ou une violence ou une exploitation gravissime ailleurs, ça crée une émotion. L'émotion, c'est ce qui est toujours le moteur de l'imaginaire et du mythe. Cette émotion va m'amener à être indigné ou à me sentir solidaire des personnes qui sont menacées. C'est aussi pourquoi je parle non pas de post-humanisme ou de transhumanisme, mais d'hyper-humanisme. Hyper pour plus d'humanisme, grâce aux hyperliens. C'est grâce à la conscience, c'est la technologie qui crée la conscience augmentée que nous avons et qui crée ce sentiment de solidarité humaine, hyper-humanisme, qui est d'actualité, qui est devenu une chose importante. Si vous scannez ce tableau, il dit, si nous ne croyons pas en l'homme, il n'y a pas de solution. Donc j'utilise, si vous voulez, ces modes d'expression pour faire passer des questions, pour évoquer des problèmes actuels qui sont pas d'ordre, qui sont d'ordre de l'émotion, qui sont d'ordre de la cognition et que je développe avec des moyens artistiques. Et la divergence, c'est majeur. Et donc j'arrive naturellement à la notion d'éthique planétaire. Et c'est curieux, c'est étonnant que le numérique, qui est une technologie 1-0, plus bête c'est pas possible, une technologie tellement triviale, basique au départ, avec un codage 1-0, on découvre que ça crée de la conscience augmentée, et que ça crée même une exigence de morale planétaire. Parce que j'ai un sentiment d'indignation, une solidarité, et je veux dénoncer ou je veux aider ailleurs. Et voilà une autre divergence. La première, l'éthique planétaire, c'est une divergence. L'autre éthique que je constate maintenant, c'est l'intégrisme. Si vous scannez, ça veut dire intégrisme Daesh. Ça fait partie aussi du numérique. Bon, là, je vais passer sur, parce que ce serait trop long, sur un certain nombre de choses que j'ai pu faire. Et j'arrive maintenant à ce que j'appelle le tweet art et la tweet philosophie. J'utilise Twitter. Et ça me paraît très intéressant pour un artiste ou un philosophe d'utiliser cette plateforme parce que ça m'oblige à travailler d'une façon synthétique avec quelques mots ou bien iconique au niveau de l'image. Et je développe mon travail beaucoup et je l'ai beaucoup développé cet été dans l'exposition au Centre Pompidou. Il y avait une salle qui était consacrée à ça, que j'appelais Twitter Online, pour développer pour développer cette idée. Et je le développe sur des questions comme « Quelle société voulons-nous ? » Au début du mois de juin, on sortait tous en France de l'élection présidentielle. Alors il y en a qui ont voulu voter pour une France insoumise, d'autres pour une France nationaliste, je fais attention aux mots que j'emploie, ou bien de gauche réformée, libérale, capitaliste, etc. Quelle société voulons-nous ? C'est une question fondamentale. Et donc les gens pouvaient répondre à cette question, il y avait le Wi-Fi, en tweetant. Et moi-même, je donnais comme exemple beaucoup de tweets que j'ai développés au début des années 2010. Et là, je vous en fais passer quelques-uns. Alors là, c'est normalement, si je pouvais faire tourner ça, c'est le bip-bip du Spoutnik qui fait bip-bip-bip, enfin pas si vite, hein, et qui est pour moi un élément historique majeur de la prise de conscience de notre conscience planétaire. C'est le moment, à l'époque c'était une affaire de compétition entre les États-Unis et l'URSS, et quasiment de guerre, mais en fait aujourd'hui on voit que c'est un moment symbolique, il y a 60 ans, où on ne pouvait pas, c'est la première fois que ça arrivait, et on ne pouvait plus avoir une conscience seulement locale. Et ça c'est là une révolution anthropologique que le numérique nous aide beaucoup à développer. Alors je m'en sers pour toutes sortes de choses, pour des causes, disons, de solidarité, ou bien je reviens sur les questions de sensibilité, la technosentimentalité qu'il y a dans le numérique est très importante, ou des questions, quand on n'a rien à dire et qu'on envoie un tweet, c'est comme de dire j'existe, pour moi c'est un peu comme de fumer une cigarette à l'époque, ou une compulsion numérique, et puis toutes sortes de questions sur la société, toutes sortes de questions philosophiques que je fais défiler rapidement. Ça, ces pilules-là, je vous les recommande, c'est vraiment très très très très agréable. Ça fait du bien. Ou des dénonciations. Là, je vais terminer sur ces choses-là, parce que je pourrais vous en montrer 500, et ça vous en dirait pas plus. Mais c'est toutes sortes de questions qu'on peut... On peut faire de la philosophie sur Twitter. On n'a pas besoin d'écrire des livres avec des notes plus grandes que le texte. Et c'est une manière de travailler comme artiste, philosophe, sur toutes sortes de questions qui sont mes questions quotidiennes, et qui, je pense, j'ai pu le constater, rejoignent beaucoup de questions de beaucoup de gens. J'aime bien le silex intelligent, parce qu'au fond, aujourd'hui, au lieu d'avoir un silex dans les mains, là, je viens de passer 8 jours avec l'homme de Cro-Magnon en Dordogne, donc j'avais l'occasion d'y penser. Aujourd'hui, on a tous un smartphone dans les mains qui est extraordinairement pas plus grand, mais poli. C'est plus qu'un silex, il est poli. Mais extraordinairement plus puissant que le silex de l'homme de Cro-Magnon. Extraordinairement puissant et pas plus grand. Et on l'a dans la main. D'autres questions? Clairement, actuellement, on ne peut plus penser le cosmos sans se remettre comme être humain au centre du cosmos. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est pas la peine de penser le non-sens par le non-sens. On est obligé, on est contraint aujourd'hui de repenser que l'homme est au centre du cosmos pour penser le cosmos. On ne peut pas le penser autrement, de toute façon. Je ne peux même pas le penser comme une fourmi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'imagine une fourmi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense. Je ne peux penser le cosmos que comme être humain. Oui, ça, l'esthétique interrogative, c'est ce que j'essaye de faire. Bon. Oui, par rapport au numérique, ça me paraît absolument essentiel de ne pas se perdre dans le numérique, dans la potion magique, et de revaloriser le réel. D'autant plus que le réel actuel, il est tellement hybridé au numérique que finalement, ça n'est pas contradictoire. Mais il y a deux pôles. Il y a le pôle du virtuel, qui est un pôle effectivement de puissance, d'euphorie, d'échappatoire à la vallée de souffrance d'ici-bas. Et il faut redonner dans ce monde-là de l'importance au réel qui est la quille. Sinon, effectivement, comme beaucoup de gens qui sont dans l'informatique ou dans la science-fiction, on dérive. Voilà, je vais terminer là-dessus. Ah oui, le flux, le robinet de pixels. On l'a dit hier, c'est important. Les pixels, c'est de la matière. C'est de la matière comme le pigment d'aquarelle. C'est très important. C'est une manière de penser toutes ces questions. Donc pour moi, l'art, je termine là-dessus, pour moi, l'art, c'est une façon d'interpréter le monde, de construire l'image à laquelle je suis attaché, qui dépend de ma biographie, qui dépend de ma culture, et d'échanger avec mes contemporains sur ces questions philosophiques, sociologiques, imaginaires, qui sont ce qui détermine chacun de nous. Voilà, j'arrête sur l'art change le monde. J'y crois. Je suis quelqu'un qui croit au progrès. Et je sais que c'est mal vu, mais j'y tiens. Et merci, Xavier. Jean-Pierre, pas de questions? On fera les questions globalement après. Moi, je m'en fous, je ne mange jamais à midi, mais bon, vous bon, là, je ne sais pas quand même. Donc, je vais prendre mon temps. Oui, pas trop quand même. Alors, il faut savoir. Ah oui, j'ai apporté quelques bouquins aussi que je vais donner à Xavier pour que ça à la bibliothèque. Il y a quelques livres et il y a un catalogue du Centre Pompidou. Donc ceux qui voudraient en savoir plus sur ce que j'essaye de faire pourraient trouver ça. Bien, c'est bon. Je ne vais pas utiliser d'ordinateur, comme vous voyez. Je ne vais rien vous montrer, parce que vous pouvez tout voir sur mon site qui est www.balp, comme je m'appelle, .name. Et vous avez là des quantités de générateurs automatiques et des quantités d'installations et de vidéos d'installation. Donc je vous laisse. Ceux que ça intéresse pourront ne pas subir mes projections. Donc ce qui m'a intéressé ici, parce qu'on était dans un colloque cognition, c'est de poser une question fondamentale, et qui est un peu théorique bien sûr, mais je pense que en place ce vrai intérêt, c'est comment se fait-il qu'un ordinateur puisse écrire du texte littéraire? Ce n'est pas une question tout à fait ignorée, et beaucoup de gens se posent cette question. Et donc j'ai été obligé de remonter pour ça à ce que j'appelle l'ontologie du texte. Alors, c'est un concept nouveau, je pense, mais je crois que c'est aujourd'hui nécessaire, parce que les machines se heurtent beaucoup à cette simulation d'être humain. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un texte est un texte? Voilà ma question. Et ce que j'appelle l'ontologie du texte, c'est tous les éléments qui font qu'un texte est plus qu'un ensemble de signes, mais il est un texte. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'un ensemble de signes quelconque peut créer une signification dans l'esprit humain. Et à partir de là, pour moi, ça ne va pas de soi, quand vous réfléchissez. Ça ne va pas de soi, parce qu'on peut avoir des ensembles très variés de signes qui ne fonctionnent pas comme des textes. Je prends des exemples. Comment se fait, par exemple, que certains pétroglyphes, qui sont des ensembles de signes, sont considérés comme par les archéologues comme des textes possibles, et que d'autres ne sont que comme des représentations d'illustrations. Bon, par exemple, à Toulouse, j'ai beaucoup regardé les chapiteaux de Saint-Sernin, et puis d'autres qui sont dans d'autres églises, et personne ne considère l'ensemble des chapiteaux comme un texte. Ils le considèrent comme des représentations locales. Or, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas un message transcendant assez cette disposition particulière des chapiteaux? C'est une question qui m'a beaucoup intéressé dans un de vos musées, j'ai oublié le nom. Oui, ah oui, c'est le petit musée qui est à côté de... Non, je crois que c'est peut-être... Bon, je me trompe. Mais vraiment... Il y a une exposition très intéressante où il est présenté des quantités de colonnes avec des chapiteaux dessus. Déjà, ça me ferait plaisir, on dirait un code-barre. Et tous ces chapiteaux, est-ce que c'est un texte unique ou est-ce que... Bon. Or, c'est assez fréquent dans l'utilisation des signes. Par exemple, je pense au rébus. Un rébus est un texte, mais il est un ensemble de signes, a priori. Et on va imaginer que c'est un texte, mais on peut voir ces signes comme un ensemble de signes indépendants. Or, on ne le voit pas. Donc, qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, apparaît la possibilité de textualisation dans un ensemble de signes? Alors, déjà, la première nécessité, c'est celle que je viens d'évoquer vaguement, là, c'est la séquentialisation. C'est-à-dire, il faut qu'on voit dans ces ensembles de signes une séquence, quel que soit l'ordre. Quel que soit l'ordre. Par exemple, je pense aux poèmes chinois qui peuvent se lire de 10 façons différentes, qui peuvent se prendre par le haut, par le bas, par la gauche, par le... Et procédé poétique qu'on retrouve... depuis très longtemps, avec le fameux poème « Ma mort, t'es nette », etc. J'ai oublié la citation, mais vous savez, c'est un poème en cadre qui peut se lire dans tout. Et qui a été repris dans des quantités de jeux poétiques, bon, les plus récents étant le style d'Apollinaire. Il y a une représentation, mais c'est un texte. Et il joue habilement sur les deux. De même, si vous regardez les lettristes, alors je sais bien qu'ils ne sont pas très connus, les lettristes, mais quand même, c'est un mouvement bien compté, qui s'appelle les romans graphiques. Les romans graphiques sont lus par les lettristes comme un texte. La plupart des gens ne les considèrent pas comme un texte, les considèrent comme un ensemble de signes. Donc ça, c'est une première importance. Donc ça suppose que, a priori, quelqu'un qui va être lecteur décide que c'est un texte. C'est une décision. C'est pas... Alors, cette décision chez nous, quand on prend l'alphabet, elle s'est imposée culturellement, c'est-à-dire on a plus à poser cette décision. Mais elle existe au départ. Je pourrais dire que ça, ce n'est pas un texte, j'ai jeté des signes au hasard, et puis vous le lisez si vous voulez, mais ce n'est pas un texte. Donc cette décision est importante, elle est ce que j'appelle la notion de confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas a priori de texte s'il n'y a pas dans la confiance, dans la possibilité du texte. Alors, je ne veux pas dire la confiance dans ce que dit le texte. Ça, c'est un autre problème. C'est la crédibilité. Mais la confiance dans la possibilité du texte. Ça, c'est la première chose importante. Et c'est très important pour les textes informatiques, parce que j'ai eu ces effets dans de nombreuses expos. Si vous refusez a priori le texte informatique en vous disant « c'est de l'informatique et ce n'est pas du texte », eh bien, il n'y a pas de texte. C'est extrêmement important. Le second état psychologique indispensable pour un lecteur, c'est que j'ai appelé un terme qui ne me plaît pas très bien, parce que ça fait un peu pédant, universitaire, mais enfin, vous allez le prendre comme tel, c'est la coopérativité lectorielle, ou on pourrait dire simplement la coopération, mais il se trouve que coopération fonctionne dans des tas de sens. La coopérativité lectorielle, c'est un phénomène que vous pouvez constater vous-même très souvent. C'est que dès le moment où le lecteur a accepté l'idée que c'est un texte, eh bien, il ne veut pas s'empêcher de penser que ce texte a du sens. Alors, quel sens? Ça, c'est autre chose. Il peut trouver ce sens absurde, mais il va chercher un sens. Ce qui explique les quantités d'exégèse, par exemple, on va chercher un sens dans ce texte. Or, ces deux mouvements sont fondamentaux pour le texte numérique. S'il n'y a pas confiance et s'il n'y a pas coopérativité lectorielle, la génération automatique de textes littéraires ne fonctionne pas. Et ça, j'ai pu le vérifier à des quantités d'exemples. Évidemment, c'est aussi évident, sans parler de texte numérique, si vous parlez dans la poésie. La poésie contemporaine demande une coopérativité lectorielle très forte. Et ce concept que j'évoque là, bon, il faudrait le creuser plus longtemps, mais je n'ai pas le temps, évidemment dépend de la culture du récepteur, dépend de l'environnement, dépend d'une quantité de choses, mais cette coopérativité lectorielle est indispensable. À partir de là, je crée ce que j'appelle un schéma de communication, mais il y en a eu tellement de schémas de communication, qui fait qu'on va essayer de comprendre pourquoi le texte signifie. Comment il signifie, à partir de quoi le lecteur s'appuie pour créer une signification. Je dirais d'abord, mais ça c'est une banalité, mais ça fait rien, c'est bon des fois de les répéter, que le texte n'est jamais seul. C'est-à-dire, si vous considérez un texte comme venu de nulle part, ça ne signifie pas grand-chose. Vous considérez toujours que le texte est dans un environnement intellectuel, psychologique, stylistique, etc. Et vous le lisez déjà à partir de cet environnement. C'est-à-dire, vous allez vous demander, vous n'avez pas la même interprétation, par exemple, prenons un exemple très simple, si je vous donne un extrait des Chants de Val-d'Aurore, ou si je vous donne un extrait du Code civil. Vous n'aurez pas du tout la même lecture, vous ne lui demanderez pas la même chose. Donc cet environnement va jouer, et pour moi, alors je ne vous cite pas toutes les théories de la communication, il y en a eu des quantités, hein, moi je vais rester assez basique, mais je crois quand même qu'il faut invoquer plusieurs instances qui jouent au niveau de la communication et qui vont permettre qu'un texte fonctionne, donc qu'un texte numérique fonctionne. Premièrement, les mots sont toujours polysémiques et ça m'ennuie un peu. C'est l'écriture du document. L'écriture du document, ça ne veut pas dire l'écriture que fait le lecteur, ça veut dire matériellement comment il est écrit. Qu'est-ce que c'est que l'écriture du document? Deuxièmement, sa matérialisation. Troisièmement, sa réception. Quatrièmement, sa médiatisation. Cinquièmement, ses modalités d'interprétation. Et enfin, sixièmement, ses instances de validation. Dans les schémas de communication habituels, certains de ceux-là sont pris en compte, par exemple la notion de contexte, d'autres ne le sont pas. Par exemple, j'ai jamais vu prendre dans un schéma de communication les instances de validation comme composantes du texte. Or, je vais essayer de vous montrer que c'est fondamental. Chacun des pôles de ce dispositif, donc ces six pôles, influe sur l'ensemble des autres. Donc il y a des adaptabilités entre eux. Certains points sont très importants, d'autres ne le sont pas, à certains moments pour tel type de texte, ce qui fait que proposer une typologie fermée du texte, une typologie précise, est impossible. C'est une combinatoire d'éléments qui font que le texte, et heureusement d'ailleurs, c'est pour ça que ça fonctionne bien dans la réalité humaine, est interprétable, flou, modifiable, etc., et qu'ils n'ont pas une stricte rigueur. On voit bien, par exemple, le problème par rapport à ça, qu'on est scientifique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éliminer le texte en mettant, par exemple, des formules mathématiques qui sont un type de texte tout à fait particulier, mais qui ne fonctionne pas avec ces mêmes problématiques. Ces problématiques fonctionnent avec la langue. Bon, donc, un texte est d'abord un document rédigé dans une langue donnée, avec une forme donnée, mais je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler parce que ça fait partie de... D'abord, je vais supposer que le lecteur parle la langue du texte, ce qui n'est jamais évident, même y compris à l'intérieur d'une langue, même langue. Je veux dire que tous les Français ne sont pas égaux devant la lecture d'un texte français, on le sait bien. Donc, la problématique de parler la langue est très complexe et je ne vais pas non plus venir. Je n'ai pas non plus abordé le problème de la traduction. Pourtant, je m'en sers beaucoup dans mes générations automatiques. Par exemple, je fais traduire automatiquement par Google Trad et j'utilise ces textes comme traduits. Or, on sait bien qu'il y a des erreurs dans Google Trad et c'est amusant de les utiliser. Un texte, quel qu'il soit, un auteur, cet auteur peut être individuel, il peut être collectif, mais je supposerai là encore que l'auteur du document connaît la langue dont il parle. Bon. Ce qui est là encore est loin d'être évident. Par exemple, je crois connaître un peu l'anglais, mais écrire en anglais, mais une catastrophe. Donc, non. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour mieux me faire comprendre. Je prends un texte que j'ai pris, je ne dirai pas où je l'ai pris, vous le verrez après. En Botswana et en Bosnie-Herzégovine, les Rosvels, je ne sais pas le prononcer, ça s'écrit Rosvels, sont petits et sans force. Dans les pays froids, ils sont farouches et redoutables. Bon, puis je m'arrête là, ce texte suffit comme ça. Comment un texte comme ça peut signifier ? Pourtant, vous avez tous compris quelque chose. Vous avez tous compris quelque chose que je ne vais pas commenter. Mais les attitudes que vous avez adoptées face à ce texte, je suppose que si je vous interrogeais, sont très variables. Très variable à condition notamment du mot que je n'ai pas réussi à prononcer, Orswell. Parce que si je remplace par exemple Orswell et que je dis en Botswana et en Bosnie-Herzégovine, les souris sont petites et sans force, ça ne vous choquera pas obligatoirement. Et donc ce mot vous a bloqué, et pourtant c'est un terme qui existe en français. Je suis désolé, vous chercherez. C'est une créature fantastique irlandaise. Et donc, on peut dire que dans ces pays, alors pourquoi Bosnie-Herzégovine ou Botswana, ça c'est autre chose, mais en tout cas, ce texte peut être lu de plusieurs façons. Il peut être lu si vous pensez que si vous connaissez le mot Orswell, vous allez le lire comme une explication de légende irlandaise, et vous direz, bon, alors pourquoi en Bosnie-Herzégovine, mais peut-être, après tout, pourquoi on pourrait dire en Bosnie-Herzégovine et en Botswana, les chats sont gris. Ça ne vous choquerait pas spécialement, sauf si vous êtes bosniaque et que vous dites mais il y a aussi des chats noirs. Bon. Donc, sinon, vous pouvez le prendre comme une légende. Vous allez vraisemblablement considérer que c'est un extrait de conte irlandais. Sinon, vous allez dire il est absurde. Parce que vous pensez que ce mot Orswell, j'aurais dû choisir une chose, que ce terme irlandais ne signifie rien. Autrement dit, ce texte ne commence à signifier qu'à partir du moment où il est ancré dans un hors-texte. Hein, ce hors-texte étant légende, description, on pourrait dire, de faune, description scientifique, rapport, par exemple, de journaliste, etc. Et à partir du moment où vous l'avez mis dans ça, à partir d'un certain nombre d'indices, mais ces indices, vous voyez bien, dépendent de vous. Ils ne sont pas... Ou alors, on fait comme dans les ouvrages, on met une note. On met une note, on va mettre à Orswell, petit 1, les Orswell sont, etc. Mais on vous a orienté votre lecture. Ou je vais vous dire, ce que j'aurais pu faire au début, cette phrase est extraite d'une thèse sur les légendes irlandaises. Et vous allez le lire tout à fait différemment. Donc il y a ce hors-texte qui est important. Et je vais vous en donner un autre texte qui là peut-être vous surprendra moins. Au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et entre parenthèses, il y a ajouté, c'est pas moi qui l'ai ajouté, les êtres vivants. C'est déjà intéressant parce que vous voyez que l'extrait de la Bible que j'ai pris a déjà été annoté d'une certaine façon par celui qui le lit. On aurait pu très bien ne pas mettre les êtres vivants. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Je pense que tout le monde a reconnu ici, peut-être pas le fait que ce soit le 1-1 de la Genèse, mais au moins reconnaît la Bible et peut-être même la Genèse. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas que vous l'ayez reconnu, c'est l'usage que vous en faites. Parce que si le lecteur est profondément croyant, la coopérative électorielle qui donne ce texte va faire qu'il est intouchable. Il est intouchable, c'est un texte sacré. C'est un texte sacré et on ne corrige pas les textes sacrés. Et même la note Camille, je ne sais pas pourquoi, je l'ai pris sur Internet, pourquoi il y a les êtres vivants, est un sacrilège. On n'a pas besoin de commenter la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle se suffit elle-même. Et si vous êtes même très très croyant, par exemple si vous êtes créationniste, et je vous signale que ce débat existe actuellement, vous direz que Dieu a créé le monde en 7 jours et que c'est en 7 jours, que ce n'est pas en 8. C'est 7 jours de nos jours. Alors que l'Église catholique, qui a beaucoup évolué parce qu'elle a pris des coups avec la science, a maintenant décidé que ces 7 jours étaient métaphoriques. Et qu'au fond, ce qui est simple, puisque du coup, on peut décider qu'un jour, c'est des milliards d'années. Et là, on se trompe peut-être pas trop. Mais vous voyez qu'il y a un débat qui va même des fois jusqu'à des conflits violents. Moi, je pense par exemple à des conflits entre les lectures littérales du Coran et les lectures non littérales qui amènent à la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que la façon dont je prends le texte va avoir une importance considérable, y compris dans mon vie de tous les jours. Donc voilà. Vous voyez comment ma position par rapport au texte va changer complètement, non seulement ma lecture, bien sûr, mais mon comportement. Deuxième, dernier exemple. Je fréquente beaucoup les bistrots, même si ça ne se voit pas, mais j'adore l'ambiance des bistrots. Je vous dirai parce que j'y bois, mais j'y vais souvent. Et dans deux bistrots différents, je trouve deux petites affiches qui, moi, m'interrogent très fortement. Je vous l'ai dit. La première est celle-ci. Ceux qui boivent pour oublier sont priés de payer d'avance. Vous avez tous compris ce que ça voulait dire. Et pourtant, ce n'est pas du tout évident de comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas du tout évident parce que ça donne un rapport à l'environnement bistrot qui est culturellement inscrit. C'est-à-dire que vous savez que quand vous allez dans un bistrot, généralement, on paie après. C'est très rare, enfin, quoique maintenant ça devient la mode sur les terrasses et ça m'écasse. Vous avez à peine posé les fesses quand on vous dit c'est 4 francs 50. Bon, je veux bien, mais ils ont peur qu'on se sauve en courant. Mais là, vous avez en plus une double interprétation intéressante. Ceux qui boivent pour oublier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui boivent pour oublier de payer ou ceux qui boivent pour oublier leur problème à eux? Alors vous l'avez interprété comme ça, avec un humour. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez tout oublier sauf payer. C'est un humour de bistrot. La deuxième est aussi intéressante, et toujours, mais dans un autre bistrot. Pourquoi j'ai choisi ces exemples? Parce qu'ils sont très forts et très courts. Un dernier verre est parfois le dernier. Ah! Là, je pense que vous avez tous compris aussi. Vous avez tous compris, mais vous avez compris quoi? Si vous imaginez que cette affiche est écrite par un nomade touareg au fond du Sahara, après tout, il pourrait écrire ça. Un dernier verre est parfois le dernier, ça n'a pas du tout le même sens que dans mon bistrot parisien. Or, pour comprendre l'essence dans les deux cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça n'a pas de sens. Il y a une énorme série d'inférences. Par exemple, je vais analyser que le deuxième, mais très vite. Le deuxième est logiquement absurde, c'est-à-dire analysé par un ordinateur, il est absurde. Parce que pour un ordinateur, un dernier verre est un dernier verre. Il n'est pas parfois un dernier verre. C'est une suite logique. un dernier vers est un dernier. Mais ça implique une autre réflexion, mais est un dernier vers, est une série de quoi? Parce qu'un dernier, ça donne une série. Un ordinateur aimerait savoir si c'est 1 ou 150 ou 1. Or, nous, nous savons tous implicitement que c'est une série courte. Bon. De même, comment un vers peut être le dernier? Est-ce qu'on vous le balance sur la tête? On vous assomme avec? Non, c'est pas du tout ça. Vous avez tous compris que le vers n'est pas concerné. C'est le contenant qui est concerné. Or, si vous dites ça dans un pays, si vous écrivez ça dans un pays musulman, d'ailleurs, il n'y a aucune raison que ce soit affiché. C'est absurde. Ou dans un salon de thé, c'est absurde. Une dernière tasse est parfois une dernière. Ça ne marche pas du tout. Donc vous voyez qu'il y a une implicite qui n'est pas dit dans le texte, mais qui est culturelle et que tout Français comprend, c'est l'alcool. D'accord? Mais pour qu'un dernier verre d'alcool me tue, il faut faire un délirium très mince encore. Donc la série est énorme. Or, ce n'est pas du tout ça qui risque de vous tuer, vous l'avez tous compris. C'est parce qu'on risque de partir en voiture, en moto, en scooter, etc. Si je bois de l'eau et que je pars à pied, même mon dernier verre ne me tuera pas. Nous sommes tous d'accord. Donc vous voyez, un texte fonctionne sur un ensemble de séries d'inférences comme ça, et qui ne sont nulle part dans le texte. S'il fallait tout mettre dans le texte, je crois que c'est Swift qui disait ça, que s'il fallait tout mettre, si la langue devait dire tout ce qu'elle dit, il faudrait mieux porter avec soi les objets dans un sac à dos que de parler des objets. Ben oui, parce que vous voyez bien ici, ce verre, il signifie rien. Donc, il y a une série d'inférences. Et ça, il faudra vous garder ça en tête quand on parle de littérature générative. Parce que comment un ordinateur peut faire ce type d'inférences? J'ai essayé de programmer un dernier verre, parfois un dernier. C'est infiniment compliqué. C'est infiniment compliqué, ça c'est pas la peine. Autant l'écrire. Je veux dire, c'est plus simple de l'écrire que de le faire programmer. Je vais prendre un autre texte maintenant, qui est un texte qui est le début du Capitaine Fracas de Théophile Gautier. Vous voyez, quelque chose de très basique, classique, que tout le monde comprend. Mais toujours avec cette perspective, comment un ordinateur pourrait écrire ce début du Capitaine Fracas? Voilà le texte, il fait quelques lignes. Sur le revers d'une de ces collines décharnées qui bossuent les Landes, entre Dax et Mont-de-Marsan, s'est levée sous le règne de Louis XIII une de ces gentilhommières si communes en Gascogne et que les villageois décorent du nom de château. Je pense que pour vous c'est banal, même un enfant de 10 ans peut comprendre ça. Sauf que qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il comprend? Et d'ailleurs, l'édition dans laquelle j'ai pris, qui est de Folio, l'éditeur s'est senti obligé de mettre une note. Ah bon? Une note sur quoi? Ben, il est senti obligé de mettre une note pour expliquer ces gentillères si communes en Gascogne. Ah, oui. Parce que ces gentillères si communes en Gascogne, ce sont des gentilhommières qui ont une allure particulière, enfin, etc. Donc, tout texte va être nécessairement une compréhension. Et si vous le considérez, par exemple, comme un texte scientifique, je vous ai dit que c'était le Capitaine Fracas, vous savez tout ce que c'est la littérature, vous ne le considérez pas comme un texte scientifique. Mais si vous la considériez comme un texte scientifique, c'est tout à fait possible. Simplement, vous aimeriez, par exemple, voir cette gentille hôtel. Il y aurait une photo, ce serait pas mal. Mais là, il n'y a pas de photo, puisqu'en fait, Gautier s'en fout complètement de sa gentilhommière. S'il emploie le mot gentilhommière, c'est uniquement pour donner une atmosphère. Mais il s'en moque complètement. Et que ce soit entre Dax et Mont-de-Marsan, il s'en moque complètement. Il aurait pu dire entre Dax et Bayonne. Ça ne change pas fondamentalement les choses. Il utilise les mots Dax et Mont-de-Marsan pour accrocher le lecteur dans un univers, qui est l'univers landais, Gascon, etc. Et avec toute la mythologie que ça emporte, si vous êtes un grand lecteur, la mythologie des cadets de Gascogne, etc., qui arrive au grand galop. Si vous êtes un enfant de 10 ans qui commence à la lecture, ça n'aura pas du tout cet effet. L'enfant de 10 ans, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a inventé un exercice que je trouve absurde, mais qui est très fort à l'école, c'est l'explication de texte. comment, qu'est-ce qu'on a à expliquer dans ce texte? Alors, si vous êtes un prof de français comme je l'ai été il y a 50 ans, tous les mots sont explicables. Vous pouvez demander à tous les gamins, mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Qu'est-ce qu'il veut dire là, l'auteur? Il veut toujours dire quelque chose. Donc on va trouver, et vous verriez que les réponses des enfants sont parfois très, très surprenantes. Donc vous voyez que ce texte étant reçu comme littéraire, l'ontologie sera très différente, ce que j'appelle l'ontologie, donc c'est tous ces paramètres qui font qu'il signifie, sera très différente que si je dis c'est un texte scientifique. Et je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Bon, cette même grille d'analyse peut s'appliquer à d'autres typologies, typologies textuelles. Par exemple, un texte politique ne fonctionne pas comme un texte poétique, un texte sportif ne fonctionne pas comme un texte philosophique, un texte journalistique ne fonctionne pas comme un texte administratif, un texte publicitaire, etc. Et vous pouvez multiplier les exemples. Alors, je ne vais pas en prendre des détails, mais... puisque j'ai commencé par un exemple de la Bible, le texte sacré a des modalités de fonctionnement tout à fait intéressantes. Théoriquement, il n'a pas d'auteur. Il n'a pas d'auteur. Puisque le texte sacré est dicté à un humain qui n'est que la main qui transmet une parole divine, mais qu'est-ce qu'elle soit, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans le bouddhisme, ou dans le catholicisme, ou dans l'islam. Il n'a pas d'auteur. C'est un texte qui n'est pas touchable. L'atteinte au texte sacré est impossible. Je ne peux pas m'amuser à corriger le texte sacré. Je peux le commenter. Il est fermé sur lui-même. Je peux le commenter à l'infini. Mais je ne peux pas toucher au texte. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, les typologies sont extrêmement intéressantes. Donc je dirais, pour avancer un peu, que la confiance dans le fait que ce soit un texte et la coopérativité éditoriale sont primordiaux dans l'acceptation du texte littéraire génératif. Je vous en donne un que j'ai pris, j'ai fait générer, il en génère des milliers. Donc voilà un texte qui a été écrit au moment où j'écrivais cet article. Les pimpes d'une sont sortis comme ils étaient entrés, c'est-à-dire sans que personne s'en aperçoive. Dans l'hôtel, Ruth était seule, seule avec les visions qui assiégeaient son lit. C'était tous les jours la Saint-Marcelin. Ruth était figée, muette, blême. En ce Gisèle se rua sur la maison. Ruth était bien rosse, pensa-t-il en pâlissant. Ruth parlait avec une sorte d'orgueil farouche, et les deux damnés comprirent que cet inconnu, aux traits durement accentués, à la bouche amère, aux yeux chargés de haine, tenait peut-être leur destinée dans ses mains. Qu'est-ce qui traduit le texte génératif littéraire? Pas grand-chose. Sauf que moi j'ai décidé, parce que ça m'agaçait qu'on ne sente pas quand même que c'est pas textuel. J'ai décidé de prendre que des prénoms complètement désuets. Alors Ruth, ça pourrait choquer, mais en ce Gisèle, je pense que très peu d'entre vous ont des amis qui s'appellent en ce Gisèle autour d'eux. Mais ils n'utilisent que des prénoms sacrés. Bon, formellement, ce texte ne se distingue guère de l'extrait de Théophile Gautier. Son interprétation ne devrait pas poser davantage de problèmes. Pourtant, si on examine de près les données qui constituent son ontologie, ces deux fragments sont très dissemblables. Cette courte page écrite, produite par Charles-Emmanuel Palancy, elle est extraite de mon site www.balp.name/un-monde-incertain. Elle a été générée le 7 septembre 2017 à 16h14. C'est d'une très grande précision. Reprenons maintenant les six composantes de la structure ontologique des textes à propos de ce texte génératif littéraire. Il y a bien un auteur. Mais cet auteur est je devrais me méfier des mots que j'écris, je n'arrive pas à lire. Inidentifiable. Pourquoi? Parce que Charles-Emmanuel Palancy n'existe pas. C'est un hétéronyme. Pour être plus précis dans la définition, ici c'est un avatar. C'est un avatar parce qu'il produit sans arrêt de nouveaux textes, mais qu'il ne cache pas d'un auteur réel. Par exemple, un hétéronyme cache un auteur réel. Pessoa a des hétéronymes. Charles-Emmanuel Palancy ne cache pas un auteur réel. Il n'y a pas un auteur réel qui a écrit ces pages. Charles-Emmanuel Palancy est un avatar, c'est un automatisme. Il n'est qu'un ensemble de données et d'algorithmes de traitement qui, seuls, ont un auteur, les données pouvant provenir des origines les plus diverses. Donc, quel est l'auteur de l'avatar? C'est moi, en partie, mais ce n'est pas que moi. Les données que prête Charles-Emmanuel Palancy sont des données qui sont piquées par milliers sur Internet. Il y a actuellement 2 millions de données qui piquent comme ça et qu'il retransforme. Alors je ne vais pas entrer, je n'ai pas voulu dans cet exposé faire un exposé technique sur la génération automatique qui me semblait ne pas convenir au thème des conférences. Mais en gros, sachez qu'il prend en permanence dans l'espace Internet des, parfois il en prend 4000 d'un coup, parfois il en prend 2000, des données qu'il trouve, et il les retraite. Et il les retraite de façon à pouvoir être utilisé dans un générateur automatique. Alors, retraiter, c'est très technique, c'est en gros un procédé de décontextualisation. Il va découper, enlever, il le réduit à une structure, à un élément tout à fait abstrait, et à partir de là, il peut le recontextualiser. Donc, il n'y a pas d'auteur. Bon, par exemple, je ne peux pas faire ce qu'on fait d'habitude souvent, surtout sur une manie française, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays du monde, l'explication de texte par la biographie de l'auteur. Mon avatar, il a une forme d'existence, mais sa vie, il pourrait s'inventer sa vie, en fait. Il pourrait écrire sa vie. D'ailleurs, il y a un des avatars qui a écrit des autobiographies, bon, évidemment tout aussi fantaisistes que les textes des autres. Et ça, c'est très important, parce que si vous réfléchissez à nos rapports littéraires, la notion d'auteur est fondamentale. Nous avons du mal à imaginer qu'un texte littéraire n'a pas été écrit par un auteur. Même ceux que nous disons anonymes, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas l'auteur, mais nous pensons qu'il y avait un auteur. S'il n'y a pas d'auteur, alors c'est quoi? C'est n'importe quoi. Donc vous voyez que ce premier élément va modifier l'approche que le lecteur va faire de ces textes. Ça a été très visible, j'ai souvent fait des installations. Le rapport des gens à l'installation littéraire se manifestait très fortement sur ce type de questions. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai réalisé il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, une installation à l'abbaye de... Comment elle s'appelle déjà ? Saint-Riquier, qui est une grande abbaye qui a été transformée en centre d'art. Et ils avaient fait une exposition sur les Carolingiens, parce que cette abbaye a été fondée par Charlemagne, et donc c'était un neveu de Charlemagne qui l'a dirigé, enfin, etc. Donc ils ont fait une grande... Et ils m'ont demandé de faire un générateur de vie carolingienne. Donc ça avait l'air très scientifique, ça écrivait des vies carolingiennes, assez bien. Et j'ai eu très souvent... Alors les gens pouvaient faire une vie carolingienne et importer la feuille et tout. Et très souvent, la remarque suivante, mais bon, vous en avez écrit combien? Comme si j'avais mis dans la machine, mettons, 1000 textes que j'avais écrits. Et j'avais un mal fou à leur faire comprendre. Mais non, j'en ai écrit aucun. Je ne sais même pas moi-même le texte qui va sortir, je n'en ai aucune idée. Et il n'y aura jamais 2 identiques sur des milliers d'usages. Par exemple, au centre Georges Pompidou en 85, j'avais une installation qui s'appelait des... Donc dans le grand expo Les Immatériaux, j'avais fait une installation qui écrivait des rengas japonais. En un mois d'exposition, alors à l'époque l'informatique était lente, hein, je peux vous dire qu'aujourd'hui les chiffres seraient beaucoup plus grands, il en a écrit 32 600. Le centre Georges Pompidou, par contrat, a exigé d'archiver les 32 600. Moi, je veux bien. Ils doivent être quelque part dans les archives, sur une disquette qui est plus visible aujourd'hui, c'est pas grave. Mais ils n'ont pas gardé le programme, ce qui était complètement absurde. Parce que le programme, moi je l'ai toujours, il tourne toujours, mais pourquoi 32 600 ou 47 000, ça n'a aucune importance. C'est illisible. De toute façon, vous voyez que c'est déjà une littérature qui n'est pas lisible de la même façon qu'une littérature sur papier. Bon, deuxième point, il faut que j'avance. La matérialisation du texte. Bon, nous sommes habitués que le texte soit une inscription sur une surface connue, papier, pierre, Tu me montrais tout à l'heure une inscription d'Hérode sur la pierre, elle est gravée dans la pierre. Et c'est très fréquent, hein. Simplement, elles n'ont pas la même nature. On ne grave pas sur la pierre la recherche du temps perdu. On pourrait, mais ce serait du temps perdu. Donc on ne le fait pas. Et donc, elles ont une matérialisation fixe. Mais le texte informatique, il n'a pas de matérialisation. La matérialisation, c'est un accident. Je veux dire, moi, il peut produire, je peux imaginer, et vous voyez le paradoxe, qu'ils produisent à l'infini des textes, mais sans jamais les afficher nulle part. Quelle importance il en produit, lui. L'algorithme s'intéresse à son travail, il fait du texte. Et d'autre part, la matérialisation, elle est multiple. Je peux matérialiser le texte produit par mon ordinateur sur imprimante, bon, bien sûr, ça devient du texte banal, par projection. Je peux le projeter sur l'espace, comme on a fait dans certaines installations, c'est-à-dire sur une distance énorme. Je peux actuellement, avec une imprimante 3D, le faire créer en 3D, etc. Le texte n'a pas de matérialisation. Donc, il m'est difficile de... Par exemple, de posséder les œuvres complètes d'un monde incertain. Et ça, c'est important aussi, parce que ça change tout un pan du rapport à la littérature. Imaginez que nous n'ayons pas la recherche du temps perdu sous la forme de livres, mais qu'elle soit sous une forme virtuelle, c'est-à-dire jamais fixe et rien. Mais alors, il y a des générations de chercheurs qui vont se suicider, parce que... leur thèse porte sur tel aspect de la recherche du temps perdu, mais si ça bouge tout le temps, comment je peux décider de la psychologie de tel personnage si ce personnage change tout le temps? Comment je fais? Donc, ce deuxième point est en rupture encore avec la littérature, avec toute la tradition culturelle, littéraire. Et il met à bas, évidemment, comme je viens de signaler, les notions de critique, de lecture critique. Puisque je ne peux plus faire porter la lecture critique sur le texte, sur quoi je peux le faire? Alors moi, j'aime bien d'ailleurs dire qu'il faut reconstruire une critique du texte génératif littéraire. On peut le faire, mais ce ne sera pas la même façon. Je prends un exemple que j'aime bien aussi. Vous connaissez Toulouse, je suppose. Moi, je connais un peu Toulouse. On s'est promené dans Toulouse, mais votre Toulouse n'est pas mon Toulouse. D'accord? Mais pourtant, on peut discuter de Toulouse. Mais on ne va pas discuter signe à signe. On va, à un autre plan, parler de l'atmosphère de Toulouse, de l'ambiance de Toulouse, des sentiments qu'on a. Mais on ne peut pas la dire signe à signe. Donc il y a une lecture critique qui peut être un niveau. Je ne parle pas, évidemment, au niveau algorithmique, parce que ça n'a aucun intérêt, ça devient un élément scientifique. Mais on peut faire une critique, par exemple, de ce que j'appelle mon grand œuvre, en me moquant avec le grand Albert. Le monde incertain. Un monde incertain, ça produit des milliers de textes et personne ne peut lire les milliers de textes et pourtant on peut parler d'un monde incertain. Troisièmement, la réception du document. Parce qu'à cause de tout cela, les lecteurs sont placés dans une situation étrange. D'une part, leur croyance en ce que c'est un texte, puisqu'il y en a des signes, et leur recherche d'une coopérativité électorielle existe, mais en même temps, ils ne savent pas vraiment sur quoi l'appuyer totalement. Et donc, il y a une certaine résistance que moi, j'ai constatée de façon amusante, encore une fois, dans des installations. Par exemple, une installation que j'avais pu faire pour une ville du sud de la France, je vais dire son nom, où il y a le Festival de la Correspondance. Tu connais ça? Oui, c'est une petite ville de sud de la Provence. Ça me reviendra quand j'y penserai plus, comme d'habitude. Et il m'avait demandé de faire un générateur de lettres d'amour. Je me suis amusé à faire un générateur de lettres d'amour qui était publié sur une façade d'un grand bâtiment qui était un mur. Et j'ai vu des gens qui commençaient à recopier les lettres d'amour. Parce que tiens, ça peut toujours servir quand même. Parce qu'elles étaient infiniment plus poétiques que ce que la plupart des gens imaginent. Et puis ils en copiaient une, puis ils en copiaient deux, puis après ils s'arrêtaient. Ils se rendaient bien compte que ça servait à rien, puisque il suffisait d'appuyer sur un bouton, vous en aviez un autre. Alors il fallait chercher la lettre d'amour. Donc le rapport à la consommation du texte est assez chanté, et même je dirais que c'est d'une certaine façon, ça crée une frustration. puisque nous sommes tellement habitués à maîtriser les textes dans leur globalité que là, on ne peut pas les maîtriser dans leur globalité. On a une fonction. Et d'autre part, on n'a jamais le texte, par exemple, si c'est du texte romanesque, on ne l'a jamais dans sa globalité. On n'a jamais la fin, ni le début, parce qu'on ne sait pas à quel moment c'est demain. Alors, il est différent, c'est différent du texte génératif poétique, parce que nous avons l'habitude que le texte poétique est fermé sur lui-même. Un poème, c'est un poème, on peut l'appréhender en tant que tel. Et donc, quand il génère un poème, on peut l'appréhender en tant que tel. Mais ce n'est pas vrai dès qu'on attaque le roman. Bon, quatrième point, il faut que j'avance, quelle heure est-il ? Oui, mais ce n'est pas ma faute. Hein. Je ne me sens pas coupable, c'est la faute de l'organisateur. Donc je vais quand même finir. La diffusion, alors je vais aller très vite. Bon, la diffusion, vous savez, vous rendez bien compte que les possibilités de diffusion du texte génératif sont infinies. Et moi, en permanence, puisque vous parliez de Twitter tout à l'heure, tous les jours, mon générateur écrit des phrases sur Twitter de moins de 140 caractères. Ça, il sait le faire. On lui dit moins de 140 caractères. Tous les jours, il met des phrases sur Twitter. Et qu'il signe, un monde incertain d'ailleurs. Et puis, ces phrases fonctionnent, mais elles fonctionnent comment? C'est des phrases comme ça, c'est des espèces de bulles, comme vos travaux, qui se baladent sur Twitter. Tous les jours, sur Facebook, il y a des pages. J'ai actuellement une quarantaine de sites de blogs dans lesquels ils publient des textes, etc. Bon, la diffusion, il suffit d'écrire une ligne de code pour que ce soit diffusé n'importe où, c'est un problème. Et en plus, souvent, je fais diffuser par des voix de synthèse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous parle, mais c'est lu instantanément, dès que c'est généré, c'est lu par une voix de synthèse. Par exemple, je fais faire beaucoup de vidéos quasiment automatiques, hein, il me faut 10 minutes pour faire une vidéo de 3 minutes, à partir de textes générés, de la lecture par une ou deux voix, de la modification de cette voix qui peut être en cœur, etc. Mais ça, c'est un paramètre numérique. Et puis, d'images que je pique à droite et à gauche et qui sont modifiées par l'ordinateur et qui donnent tout à fait autre chose, que j'essaie d'être en rapport avec le texte, mais pas toujours. Je m'en fous, puisqu'en fait, le lecteur coopératif trouve toujours un sens à l'association d'un mot et d'une image. Donc ça marche quand même. Donc voyez, le problème de la diffusion est le même. Bon. Modalité d'interprétation, je vais sauter très vite. Parce qu'un générateur de texte n'est pas limité par une forme. C'est-à-dire qu'il peut écrire aussi bien du roman. Par exemple, j'ai fait une installation avec Miguel Chevalier qui s'appelait L'Herbier, qui est un générateur où, d'un côté, Miguel Chevalier crée des plantes. Vous savez, on a maintenant des algorithmes qui créent des plantes. Et moi, à côté, j'écrivais la description de cette plante. Et c'est un texte quasi scientifique, sauf que la plante n'existe pas. Donc c'est qui change la nature du texte scientifique. Bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, je ne ferai pas du vrai texte scientifique, mais on peut en parler. Et enfin, les instances de validation, là je vais aller vite, mais je vais conclure là-dessus quand même. Normalement, vous avez dans tout ce que je viens de dire sur les ontologies du texte, c'est quelque chose qui est fondamental et qu'on a intégré sans s'en rendre compte. C'est qu'un texte vous paraît d'autant plus pertinent qu'il est validé par une instance externe. Par exemple, mon logiciel qui écrit des flores, je suis sûr que vous pourriez croire que c'est une vraie plante, même si cette plante n'existe pas. Il lui donne un nom latin, il la classifie, etc. Sauf que il n'y a pas l'instance de validation des scientifiques. C'est-à-dire qu'une vraie flore n'existe que si une communauté de scientifiques valide en disant effectivement l'auteur a bien observé cette plante, etc. Sans ça, ce n'est pas une flore, c'est un récit de fiction. De même, la littérature qui a l'air plus ouverte, mais vous imaginez l'ensemble de la complexité des instances de validation de la littérature. Il y a les éditeurs, il y a les critiques, il y a les prix, il y a les académies. La littérature n'existe que par ça, à tel point que vous avez des milliers d'auteurs frustrés actuellement parce qu'ils sont reconnus par aucune instance de validation. Alors moi je veux bien qu'on dise qu'ils écrivent de la merde, mais ils écrivent. Et ce qu'on a dit être nul, pardon dans le mot merde, ce qu'on a dit être nul au XIXe siècle, s'est avéré très intéressant après. Alors, est-ce que... Mais sauf que les instances de validation ne le voulaient pas. Et dans le domaine de l'art, c'est classique. Alors, souvenez-vous comment étaient reçus les impressionnistes, etc. Ou le cubisme à ses débuts, enfin bon. Donc, la littérature informatique n'a pas d'instance de validation. Il n'y a pas aucune institution. Donc, elle est seule devant son public. Donc, ma conclusion est la suivante. La littérature générative littéraire s'attaque... La génération automatique littéraire s'attaque donc à tous les critères qui fondent la signifiance. Et elle les amène dans des directions inattendues, qui obligent à des lectures différentes et plus exigeantes. Et en gros, il y a deux possibilités pour l'avenir de cette littérature. Soit elle va créer ses corpus de validation. Ce qu'on a vu l'autre fois, il y a déjà des essais. Par exemple, il y a une institution, mais très universitaire, mais bon, c'est souvent l'université qui commence à créer les instances de validation, qui s'appelle Electronic Literature Organization, aux USA, ELO, on le trouve sur Internet, qui a commencé à créer des colloques, des critiques, c'est comme ça que ça commence. On parle dans des colloques savants d'un monde incertain, et ça m'amuse beaucoup. Et qui a créé, et où vous trouvez d'ailleurs des quantités d'exemples. Moi j'ai parlé de la littérature générative, mais la littérature informatique a des multiformes. Donc je ne vous ai pas parlé, mais vous pourrez les trouver vous-même à travers des... Soit elle deviendra ce qui est possible et qui ne m'attriste pas, parce que tout le monde est mortel, donc ça ne m'attriste pas. Elle deviendra ce que... Je ne sais pas si vous connaissez un ouvrage qui a été publié en 1982 par un certain André Blavier, qui a publié une somme littéraire, 928 pages, qu'il a consacrée au fou littéraire. Alors c'est très intéressant, les fous littéraires d'André Blavier, parce qu'il réintègre dans le corpus littéraire des gens qui n'étaient pas du tout reconnus dans le corpus littéraire. Et à partir du moment où ils sont dans les fous littéraires, tout d'un coup, ils deviennent littéraires. Et un peu comme l'art brut. Il suffit qu'une instance le mette dans le champ de l'art pour que ça soit reconnu et que ça devienne, et que ça ouvre des quantités de perspectives. Donc j'en sais rien s'il va se passer. Peut-être que ce sera la littérature générative littéraire, la littérature générative sera bientôt dans les oubliettes de l'histoire et un chercheur un peu farfelu dans 100 ans va dire « mais il y avait ça au XXe siècle, etc. » Et puis il trouvera à peine des traces parce que tout est numérique. Ou alors soit ça fonctionnera. Moi, dans mon testament, j'ai demandé à mes héritiers de maintenir en vie, pendant 20 ans après ma mort, les générateurs sur mon... Vous voyez un peu mes fantasmes, hein, je suis complètement fou. Mais c'est possible aujourd'hui. Prolonger la vie des générateurs, c'est pas du tout difficile. Soit ça disparaîtra complètement, et ça sera bien. De toute façon, ça sera bien. Merci. Il y a 5 minutes de questions. Je suis désolé d'être... Tout le monde a fait ça. Non, c'est pas tellement ça. C'est qu'il faut impérativement qu'on reprenne à 14h parce qu'il faut qu'on soit à 16h à l'Arsenal pour l'exposition McCormack. S'il n'y a pas de questions, je ne serais pas fâché. Est-ce que vous avez pensé ou concevoir des lecteurs automatiques pour le texte génératif? Non, mais ça serait possible avec la robotique qui évolue. Et je serais très amusé, vous savez l'expérience qu'on a un peu, les journalistes ont un peu fantasmé là-dessus, les robots conversationnels. À un moment, il y a un robot qui a été mis en face d'un autre robot conversationnel. Et la légende dit qu'ils ont inventé un langage. On sait maintenant, parce que ça a été démenti par Microsoft, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un robot ne lirait sûrement pas les textes de génération automatique comme un humain. Pourquoi ? Ben parce qu'il manque tout l'arrière-plan dont je vous ai parlé. Imaginez la phrase que j'ai citée tout à l'heure. Un dernier vers est un dernier, et parfois un dernier vers. Pour qu'un robot comprenne ça, il faut qu'il en ait plus. Il faut qu'on lui ait donné une grande culture alcoolique, et en plus automobile. Et c'est pas évident. Donc je ne sais pas, non, la question de ma... Bon, c'est déjà assez compliqué de faire générer, je ne sais pas où c'est la question de faire dire. Disons que c'est une question dans les générateurs du réseau de neurones compétitifs, là, ce qui a été montré hier, là, c'est le moyen qu'on commence à trouver pour que ces systèmes qui synthétisent des choses qui n'ont pas les référentiels qu'on a, puissent être utilisés avec d'autres systèmes qui, eux, vont synthétiser ce que font les premiers. Oui, bien sûr. Donc, il y a un groupe qui se crée, et là, peut-être qu'il y aura une émergence d'autres notions que le dernier vers, c'est le dernier, et les représentations que ces systèmes peuvent échanger ne sont pas dans notre domaine. Une dernière pile est parfois une dernière pile. Non, mais c'est un de mes rêves. J'avais commencé à faire des réseaux neuronaux à l'époque. C'est tellement longtemps. C'était dans les années 80, avant. Donc ils étaient d'une faiblesse extraordinaire. Et je m'étais amusé à faire... chercher à faire analyser. Donc. Et un de mes rêves serait d'avoir le réseau neuronal de Google pour faire la génération automatique. Parce que je suis persuadé que mes générateurs pourraient être améliorés par cette approche. Mais pour l'instant, non, je ne les ai pas et je n'ai pas les moyens de payer le réseau neuronal. Voilà, c'est des vidéos de thèse. Et ce qui est public dans le réseau neuronal de Google, qu'utilise Chatonsky, est très d'abord ne traite pas le texte. Il traite que l'image, c'est très insuffisant, ça va pas du tout. Alors j'ai une question, je sais pas. Comment tout à l'heure parlait de dans votre testament, le lien garde votre générateur encore 20 ans de vie. Oui. Et la cause derrière, pourquoi ces 20 ans? Et est-ce que cela souffre? Parce que j'estimais que mes héritiers pouvaient faire l'effort pendant 20 ans. Et que mes héritiers seraient peut-être encore vivants 20 ans après moi, ce qui n'est pas sûr. Donc comme j'ai eu mon premier enfant à 22 ans, 20 ans après moi, c'est juste. Par contre, sur le point logiciel, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de payer l'abonnement au site qui m'héberge et de faire une... Mais c'est assez stable les langages maintenant, donc ça peut tenir au moins 10 ans si ça ne tient pas 20 ans. Ça a été fait dans les langages modernes, donc ça peut tenir. Mais c'est purement, j'allais dire artistique, c'est purement fantasmatique. En fait, je m'en moque. Ouais. Est-ce sûr? Bah, je pense que c'est aussi. Ça, c'est plutôt dans le monde de consommation, mais derrière. Si on parle de la transmission du savoir-faire, est-ce qu'il y a autre chose à transmettre aussi par ce objet? Moi, ce que je demande, c'est qu'on transmette la continuité du générateur. Mais après. En plus, je ne sais pas ce qu'il va devenir le générateur dans 20 ans. Parce que comme il pique des données sur Internet, je ne sais pas du tout ce qu'il possédera comme données. Donc, non, c'est un fantasme. C'est un fantasme. J'allais dire d'écrivain, c'est un fantasme. Mais il faut assumer. Bien, merci beaucoup. Monsieur, vous...